À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la Corée et du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution de Songun par le général Kim Jong-il, les personnalités de divers pays ont fait parvenir les messages et lettres de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Ce sont le secrétaire général du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar, le président du Parti communiste allemand et autres dirigeants des organisations politiques de Syrie, de Roumanie, de Russie, de Hongrie, de Bulgarie, de Guinée, du Bénin, d'Égypte et du Mexique. Les personnalités des milieux politiques, sociaux, militaires et économiques de divers pays comme Chine, Népal, Mongolie, Suisse, France, Grande-Bretagne, Nigeria, Congo démocratique, Angola, Venezuela, Pérou et Équateur, ainsi que les représentants des institutions internationales, des organisations d'études des étudiants et des formations de soutien à la réunification coréenne et d'amitié, lui ont fait parvenir également les messages et lettres de félicitations. Les destinataires ont félicité chaleureusement le maréchal Kim Jong-un pour les journées significatives d'août. Ils se sont convaincus que sous la direction imminente du maréchal, qui continue brillamment la cause révolutionnaire du Tse, œuvre révolutionnaire de Songun, le peuple coréen remportera de grands succès dans l'application des tâches présentées par le 7e congrès du Parti Travail de Corée.